L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'amas de galaxies le plus lointain jamais observé vient d'être découvert. Situé dans l'univers âgé de seulement 2,5 milliards d'années. Le record est ainsi reculé de 700 millions d'années. Les 17 galaxies qui composent CLJ-1001+0220 sont déjà massives, mais sont encore en cours de formation. Pour mettre en évidence cet amas de galaxies, nommé donc CLJ-1001+0220, qu'on va abréger en CLJ-1001, une grande collaboration d'astrophysiciens a exploité les données de pas moins de 9 télescopes spécialisés dans des longueurs d'ondes très différentes, allant des ondes submillimétriques, avec IRAM Noema, ALMA et le JVLA, jusqu'au rayon X, avec Chandra et XMM Newton, en passant par l'infrarouge avec le VLT, Spitzer, Herschel et l'UV avec Hubble. Ce programme de recherche multilongueur d'onde est ce qu'on appelle le Cosmic Evolution Survey, COSMOS. La distance considérable de cet amas a été mesurée grâce au spectre infrarouge mesuré par IRAM Noema et notamment la raie du monoxyde de carbone très présente au sein des galaxies naissantes. Puis elle a été confirmée avec le Very Large Telescope et le Karl Jansky Very Large Array et les mesures en rayon X par les télescopes spatiaux Chandra et XMM Newton ont quant à elles permis d'évaluer la quantité de gaz chaud intergalactique baignant les galaxies de l'amas, et donc indirectement le potentiel gravitationnel qui permet de conclure que ces galaxies font bien partie d'un ensemble lié gravitationnellement. Les chercheurs menés par Tao Wang du CEA et de l'université de Nanjing en Chine, dont des astrophysiciens français du CEA et du CNRS, observe que la quasi-totalité des galaxies de CLJ-1001 sont en pleine flambée de production d'étoiles, toutes sauf deux. Le taux de formation d'étoiles dans tout l'amas de galaxies atteint environ 3400 masses solaires par an, ce qui n'avait encore jamais été vu dans un amas, surtout à cette distance. CLJ-1001 et ses galaxies constituantes sont simplement en train de naître au moment où nous les observons. La durée estimée de réserve de gaz pour la formation d'étoiles au sein de l'amas est d'ailleurs estimée par les astrophysiciens à 200 millions d'années. Parmi les 17 galaxies observées dans l'amas CLJ-1001, 11 d'entre elles ont déjà une masse en étoiles supérieure à 100 milliards de masses solaires. Toutes situées au centre de l'amas dans un rayon de 80 kiloparsecs, soit 260 000 années-lumière. La luminosité X, la masse et la dispersion de vitesse des étoiles tendent, selon les chercheurs qui publient leur étude dans The Astrophysical Journal, à indiquer un amas comportant un halo de matière noire ayant une masse totale de l'ordre de 100 000 milliards de masses solaires. Selon Tao Wang et ses collaborateurs, le fait que nous sommes en présence en même temps d'un halo de la taille de l'amas et d'une population de galaxies massives à très forte formation stellaire suggère que cette structure représente la phase de transition vue pour la première fois entre les proto-amas de galaxies et les amas de galaxies matures. Les caractéristiques de CLJ-1001 indiquent clairement que la phase d'extinction des galaxies massives, c'est-à-dire la fin de leur formation, a lieu après qu'elles se soient accrétées dans leurs amas, et non avant. Cette information est cruciale pour la compréhension de la formation des amas de galaxies dans l'univers jeune. Mais elle pose d'ores et déjà des questions aux astrophysiciens, qui ne s'attendaient pas, d'après leurs simulations, à avoir des structures galactiques aussi massives en étoiles déjà à cette époque cosmique. L'article de Tao Wang et ses collaborateurs est donc paru dans The Astrophysical Journal numéro 828 en date du 30 août 2016. Il a pour titre Discovery of a Galaxy Cluster with a Violently Starbursting Core at Z égale 2.506. Je mets également le lien en bas du poste du communiqué de presse du CEA relatant cette belle découverte. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des galaxies très jeunes se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur podcloud.fr, sur iTunes et sur Stitcher, ainsi que sur le blog, bien entendu. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, bon ciel à toutes et à tous, restez bien les yeux au ciel justement, et les pieds sur terre. Allez, salut !